Thank you. bonheur pour moi dans la section des yeah. un rey pro la sezione. À raison de 15 heures de pratique par semaine. Ça me tente très bien de, si ça vous tente, d'intégrer le truc avec Jérôme et, Vincent. On en parlait la dernière fois, justement. Là. Ceci étant dit, j'ai de la négociation à faire un petit peu. Je suis pas hier, je pense que ça va passer. Je pense qu'Alexia est assez cool sur ça. Genre, je trouve que la musique, c'est difficile de passer à côté. Ouais, puis en même temps, c'est ça. Ça adoucit l'hiver. Ouais, c'est ça, justement. Ouais. C'est à son avantage, j'imagine. Ouais, ouais, puis c'est comme une concession qu'il a fait à plusieurs jours. Je suis bien content. Mais non, ça fait cool. Ouais. Ah, c'est ça, on jouait une toune hier, je pense. Jérôme, il a une vie, il fait comme une super bonne nouvelle, c'est vraiment plus c'est quoi. Il y a moyen de s'amuser, puis c'est relax, comme on dit. Ouais. Il va jouer avec du monde, justement, à la fête de la musique en France, puis c'était. Okay. C'était cool, mais il y a un des gars qui était pas mal stressé. Là. Genre que il fallait que ça soit parfait. Là. On joue pour la fête de la musique, c'est pas comme si on était devant comme 4000 personnes. Mm-hmm. Ouais. Il y avait un nom sympathique par contre, ça s'appelait les Jacques sont simples. De quoi? Les Jacques sont simples. Mais tu sais, J-A-C-Q-U-E-S. Comme Jackson 5, mais. Mais les Jacques. Ah, les Jacques sont simples. Parce qu'on est ok. J'ai compris, les gens qui sont cinq. Les gens. Lao. Jaco. Didier. Didier. Ça a pas traversé l'océan. C'est tout. Il y a des noms français comme ça qui ne sont pas ici. Arnaud. Didier et Thierry, là, de petit. Arnaud, Thierry. Sont stoppés. Thierry, quand même. Arnaud. Arnaud, ça fait c'est comme Renaud, mais je vais annoncer. J'ai un ami qui s'appelle Arnaud puis qui a l'air québécois, mais effectivement, ça ressemble à l'air français. Mm. Arnaud, c'est peut-être pas. Mais Didier, on ne voit plus le record. J'ai jamais rencontré un Québécois. Non plus. Un Québécois. Ouais, ça fait quoi. Thibaut. Ben, Thibaut, ouais, mais Thibaut, regarde. C'est une compagnie là, de d'auto. Thibaut, il traite d'auto. Non, c'est pas. C'est le beau! Le beau, oui! Je suis sûr de moi. Moi, je serais un super bon menteur. Si mon esprit pouvait être un petit peu plus tordu. Si tu faisais partie de la vie. Oui, non, c'est ça. Mais si, en fait, la partie de mon esprit qui pense qu'il a raison est un petit peu plus intelligente. Elle avait des velléités maléfiques. C'est ça. Je pourrais super bien mentir. Les vagues se rendent. Ah, mais c'est bon ça, là. C'est ça. Bon. Non, mais il y a une compagnie de Thibault, là. Je suis sûr. Sûrement. Non, non. Pas. Il n'y a pas de compagnie. Didier Vitre d'Auto. Didier Cour à Scrap. C'est ça, c'est la quoi de transport. La Cour à Scrap, Didier. La Cour à Scrap, Didier. Esclave de métal, Didier. Démolition. Réparation de Demolition Derby. Dis qui. Les garages. Baptiste, tu sais, mon ami, c'est pas Baptiste. Je pense que c'est comme un enfant. Non plus. Baptiste, mais que fais-tu? Ben voyons. En mangeant mon journal. J'ai pas enlevé ta rose. Je m'en rappelle comme ça. C'est deux parties qu'on n'a pas nos voisins brûlés. Ouais, hier, là, c'était fou. Il y avait comme juste le gars qui fait du. Des bruits sous-sonnés. Ah oui, c'est d'accord. Sous-sonnés. C'était ben, comme. La baisse. Tu sais, des fois, tu l'entends, il joue, puis ça fait juste comme. Mais là, c'était comme s'il avait laissé son doigt sur le truc. Il faisait de l'intro de. Ouais, c'était vraiment effrayant. Non, ça arrêtait plus. Hmm. Bon. Un autre petit coup. enregistrer ça. Ça enregistre la conversation. Super intéressant. Thank you. fond, c'est ça, c'est que tu continues, puis tu fais juste quand même 4 Thank you. rêver. Ma seule commune, la déshonneur. Donne pas un mot au champ de mer. Thank you. prêts. Nous sommes prêts. D'accord, donc, je commence. Il se concentre. Mon amour, tu dégages. C'est une chaise et je chante. Qu'est-ce qui te menace sous les planches? Je ne vois rien de suspect, tant déjà j'ai peur. Quand je choisis mes fleurs et qu'on déprend des âmes, j'ai passé par la journée. Thank you. Ouais, mais ça, effectivement, ça coûte. Savoir parce que si eux ils prévoient déménager